Là, on a donc Alexandra Roger qui est en train de s'installer pour nous proposer une interview itinérante. Juste avant ça, j'avais envie de passer absolument cet enregistrement que Marie a fait hier après le partage d'écoute de Clara Allouin, qui était vraiment assez bouleversant. Donc voilà, je trouve important de vous faire écouter ça avant l'interview qui suit. Ça va ? Oui, j'arrive pas à me rattraper. À te rattraper ? Oui, ça m'a trop ému là, ouais. Ah, oui. Bravo. Ouais, cool. Très bien. Bravo, bravo. Ouais, chouette. Cool, cool, cool. C'est vraiment rare de réussir à faire une histoire, de connecter avec une intimité à ce point-là, en fait. Ouais. C'est vraiment, je pense, le pari, il est réussi, là, si on a envie de... De l'accompagner, enfin de l'écouter de si près, de son expérience. On est vraiment, enfin moi en tout cas, je l'ai vraiment vécu comme ça. Hein. Ouais, génial. C'est très dur à réussir ça. Ouais. Bravo. Bon, bah, trop bien, merci. C'est cool. Ouais. Bon, il faut aller boire un verre maintenant. Et on va essayer. C'était une ancienne prise, on peut pas. Mais l'enregistrement, on sent que vous avez fait en une fois. Non, en fait, on l'a fait en plein de... on l'a fait en plusieurs fois. Okay. On a fait une grosse partie. Et d'ailleurs, tu sens que sa voix, elle change au fil du temps, là. Parce que on a fait une grosse partie vraiment quand elle avait fini d'être isolée et on était partis en vacances ensemble. Et puis après, on n'avait pas fini et 6 mois après, elle pouvait retourner à Genève. Et là, on a refait des enregistrements. Et après, on s'est arrêté pendant plusieurs années. Et là, en mars dernier, quand on commençait un peu à se dire bon, on fait quelque chose, on a fait une résidence de 3 jours et on est revenu sur certaines choses. En fait, on avait, les 2 premières fois, on était allé jusqu'à la greffe, mais on n'avait jamais parlé de la greffe. Enfin voilà, c'est long en fait. Moi, je pense que j'ai 15 ou 20 heures d'enregistrement. Wow. Et là, je me dis pas, mais quart de ce qui s'est passé quoi. Donc, et donc c'était un peu ça aussi. Et donc c'est pour ça que nous on pense peut-être faire une sorte de podcast un peu moins dans l'émotion et tout ça, mais qui ouais, elle fait vraiment une sorte de récit du quotidien dans ce monde-là quoi. Parce qu'il y a tellement de trucs quoi. Mais tu vois le rapport aux amis, le rapport elle avait son amoureux qui était là, qui la suivait, le rapport aux infirmières, le rapport. Enfin, il y a plein de trucs quoi. Et puis même la rémission après en fait est très très très longue. T'allais dire. Non parce que justement elle arrive en août, elle était hospitalisée en août et puis après la greffe elle a eu en mars. Ouais. Après ça a encore pris. Et après je crois qu'elle sort en juin. En juin. Donc en juin ou en juillet, je sais plus. Ouais. Mais elle passe encore 1 an enfermée chez elle où elle peut pas quand même sortir de chez elle et où elle doit avoir quelqu'un qui veille à ce que tout soit complètement désinfecté partout. Et après, quand on lui dit c'est bon, tu peux sortir, il y a le confinement qui arrive. Bim. Mais le lieu, parce que j'ai pas bien compris, mais elle parle de rentrer à Genève. Ouais. Donc elle a été hospitalisée. En fait, elle a été hospitalisée à Montpellier. À Montpellier, ouais. Parce que sa famille est de Perpignan. D'accord. Donc ils l'ont hospitalisée à Montpellier. Et voilà. Mais le confinement, elle l'a fait. Elle l'a fait à Perpignan. Hein? À Perpignan. À Perignan, en France, donc. Ouais. Un endroit assez plus strict, quoi. Ouais. En plus, il y avait le couvre-feu à Perpignan. Ouais, il y avait des trucs un peu, enfin, plus vénères que. Ailleurs. Bon. Bon, voilà. On va aller boire un verre. Oui, allons-y. Ça a été pour toi ? Ouais, c'était super. Ouais. Je suis contente. Okay. Ouais. Bravo, ouais. C'est super intensif aussi, tous les sons. Oh, mais cool. Tant mieux, tant mieux. Laura, je crois qu'elle a très envie de mourir. Oui, pardon, ouais. Non, mais c'est cool. Ça me fait plaisir. C'est trop bien. Allez, voilà. On va te chercher en bas. Est-ce que je peux te débrancher ? C'était donc Clara Allouin qui parlait de sa pièce Nuit, Nuit, Encore, Encore Nuit, qui a été diffusée hier soir dans l'Acousmonium de la Meg. C'était une commande archipel, une pièce électroacoustique plutôt, plutôt forte, autant du point de vue du travail du son que la thématique autour de question de l'hospitalisation longue, et puis voilà, de ce que ça fait vivre avec un témoignage qui était vraiment vraiment très très très très intense. Merci. On va enchaîner tout de suite. On a deux petites minutes de retard, mais c'est pas grave. On a donc Alexandra Roger qui est là, bien sagement assise en face de moi avec une mini radio portable. Bonjour. Bonjour Alex. Ça va? Oui. Ouais, trop bien. Oui, ça va. Et ben, du coup, Alex, elle va se balader avec cette petite radio portable pour aller interviewer Benoît Renaudin, qui se cache je ne sais pas encore où. Ce qui va se passer, c'est que je vais du coup déconnecter la radio fixe. Vous allez avoir un petit moment de trou entre les deux, le temps que la radio portable se connecte. Et on vous retrouve juste après pour l'annonce de la programmation du jour et entrer en direct avec la radio portable au partage d'écoute. Voilà. N'ayez pas peur, on reste là. Oui, gros bisous.